الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي سبيل الأنبياء والمرسلين ووظيفتهم ثم وظيفة من تبعهم من الصالحين الناصحين الصادقين في دعوتهم إلى الله رب العالمين جامع الناس يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله وطريقة أتباعه صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله الدعوة إلى توحيد الله الدعوة إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعلم النافع. فكل رسول داعيا إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في كتاب الكريم رسلا مبشرين ومنذرين الآية. فالرسل دعاة إلى الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى يدعو عباده. قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام وقال عز وجل والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. عباد الله الدعوة إلى الله من أشرف مقامات العباد وأفضلها. لذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية. وقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز وجل فلذلك فادع واستقم كما أمرت. وهكذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. ولقد جاءت هذه الشريعة ببيان فضل الدعوة إلى الله وعظم منزلة الداعي. أخبر الله بأن الداعي إلى الله من المفلحين أفلح في الدنيا قبل الآخرة. فقال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأخبر الله سبحانه وتعالى ألا أحسن قولا من الداعي إلى الله. فقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحسن من هذا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الداعي إلى الله أصلح نفسه بالعلم النافع وبالعمل الصالح، ثم سعى إلى إنقاذ إخوانه من المسلمين وإنقاذ الخلق أجمعين. وأخبر الله سبحانه وتعالى بأن الداعي إلى الله ممن اختصه برحمته فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أخرج الإمام مسلم وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. جزاء الداعي إلى الله خير عظيم لا يوجد في الدنيا أعظم من أجر الداعي إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى خيبر: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأجر الداعي إلى الله خير من الدنيا وما فيها، وكفى شرفا بالداعي إلى الله أن يكون قد قام بوظيفة الأنبياء والرسل الذين هم أكرم الخلق إلى الله تعالى. هذا نوح عليه السلام يقول كما قال الله تبارك وتعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فالداعي إلى الله يضحي بوقته بماله. وهذا يوسف يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال الله: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وهذا إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمره الله بالدعوة إليه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم بعد ذلك: أيها المؤمنون عباد الله، الدعوة إلى الله لها آداب ولها شروط، والداعي إلى الله له آداب وله أخلاق. وأول ما نذكر الإخلاص. فليكن قصدك يا عبد الله أيها الداعي وجه الله، لا تدعو رياء ولا سمعة ولا تريد الشهرة، لا، بل تريد وجه الله، تريد هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى، تريد إنقاذ الناس من النار إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، في تنبيه على الإخلاص، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو إلى مذهبك، لا تدعو إلى شيخك، لا تدعو إلى حزبك، بل أدعو إلى الله، أدعو إلى عبادة الله وإخلاص دين له، أدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو الناس إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني العلم النافع. الداعية إلى الله لابد أن يتزود من العلم، لأن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. وكيف تعرف أنك اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت جاهلا؟ لابد أن تعرف الهدى بدليله. تدعو إلى ما علمت، لا يشترط أن تكون عالما، لكن أن تكون عالما بما تدعو إليه. ادعو إلى إخلاص الدين لله، ادعو إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى المحافظة على الصلوات، ادعو إلى محافظة الصلوات في المساجد، ادعو إلى بر الوالدين، إلى حسن الخلق، إلى ترك الفواحش، إلى ترك الزنا وشرب الخمور. كل واحد منا يعرف ذلك. أما دقائق الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم ومن أخذ منهم. الأمر الثالث العمل بالعلم، العمل بما تدعو الناس إليه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يجر قصبه في النار، وسبب ذلك أنه كان يدعو الناس إلى الخير ولا يفعله، ويحذر الناس من الشر ويفعله والعياذ بالله. فإذا أمرت بمعروف كن أسبق الناس إليه، وإذا نهيت عن منكر كن أبعد الناس عنه. هذه طريقة الأنبياء. ولما حث شعيب قومه إلى الرجوع إلى الله قال لهم: ما أريد أن أخالفكم، أي آمركم بشيء وأفعله، وأنهاكم عن شيء وأبتعد عنه. هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الذي يليه: الداعية إلى الله رحيم بالعباد، رفيق بهم. لما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون قال لهم: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله علم أن فرعون ما لم يؤمن، سبحان الله، ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك رسم الله طريق الدعوة فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان هذا فرعون الطاغية الظالم المشرك الكافر الملحد، أمر الله بأن يخاطب باللين، فما بالك بإخوانك المسلمين؟ فما بالك بإخوانك المسلمين؟ قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق ما كان في شيء لا زال، وما نزع عن شيء إلا شان. ثم بعد ذلك الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه اللائق. قال الله: ادعوا إلى سبيل ربك. كيف هذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن ذلك أن تعلم بما تبدأ. ابدأ بالتوحيد، ابدأ بالتوحيد وانتهي بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. فما بال أقوام لا يركزون على هذا الأصل الأصيل، ويقولون أكثرتم من التوحيد. التوحيد دعوة الأنبياء والمرسلين، ومن لم يركز على هذا الأصل ليس على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الصبر وعدم اليأس. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه أبا طالب إلى فراش الموت فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الغلام اليهودي الذي كان يخدمه فقال وهو على فراش الموت: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فرحا شديدا وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا طريقة الدعوة إليه سبحانه وتعالى، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Sachez, chers frères, que le fait d'appeler les gens à revenir vers la religion d'Allah, le fait d'appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère, était le chemin des prophètes et des messagers. La prédication était le rôle des meilleures créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé, les prophètes et les messagers. Et c'est également le chemin de ceux qui les sont suivis après eux, parmi les gens pieux, les savants et toute personne aimant la réforme et ramener le bien aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez que Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Donc l'ensemble des messagers et prophètes étaient des prédicateurs au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous enseigne dans le Coran que c'est la voie de l'ensemble des prophètes, mais également et donc du dernier prophète et messager. Et il nous dit plus particulièrement, dit: voici ma voix, j'appelle à Allah, moi et ceux qui me suivent, avec clairvoyance. Et je ne suis point du nombre des associateurs. Donc l'appel à Allah est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a appelé Allah à Allah et pas à sa personne. Il a appelé à Allah avec science et non pas avec ignorance. Voici le chemin de ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup prétendent appeler Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'appellent pas à l'unicité d'Allah. Quelle da'wa ne repose pas sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Toute da'wa ne reposant pas sur l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est un prêche qui est voué à la perte. Et si tu veux appeler Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois t'armer de science, car cela est la voix des prophètes. Allah nous enseigne dans le Coran et nous dit: des messagers, annonciateurs et avertisseurs. Donc voici leur mission: appeler les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous appelle également à revenir vers lui et nous dit: Allah appelle à la demeure de la paix. Et dans l'autre verset, Allah vous appelle au paradis et à un pardon. Sachez que le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala est une des missions les plus nobles et une des actions les plus valorisées dans l'islam. C'est pour cela qu'Allah a ordonné cela à la meilleure créature, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant: ô toi le messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Et il lui dit également: appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation. Et de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les gens de sa communauté à faire cela en nous disant: transmettez de moi ne serait-ce que deux versets. Transmettez de moi ne serait-ce que deux versets. Et il nous dit également qu'Allah illumine le visage de celui qui entendra ma parole, la mémorisera puis la transmettra comme il l'a entendu. Comme il l'a entendu. Et les textes sont nombreux. Et les textes nous ayant démontré la grande valeur et le grand mérite de celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala son nom d'eau. Allah nous informe que celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des bienheureux, fait partie de ceux qui ont récolté le succès. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il n'y a pas une meilleure parole que celui qui appelle vers Allah en nous disant. Et quelle meilleure parole que celui qui appelle à Allah? Fais de bonnes actions et dis je suis du nombre des croyants, des musulmans. Je fais partie du nombre des soumis. Al-Hasan al-Basri nous dit de ce verset, voici le bien-aimé d'Allah. Voici les meilleures créatures d'Allah. Cette personne-là a appris la science et la mise en pratique. Puis elle ne s'est pas arrêtée ici. Elle a voulu aider ses proches. Elle a voulu aider ses frères. Et a appelé donc les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'appel des gens à revenir vers Allah n'est pas propre aux musulmans. Mais nous appelons l'ensemble des gens, des musulmans et des non-musulmans, à revenir vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On enseigne aux musulmans qu'Allah est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Et on les appelle à revenir à reconnaître la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on rappelle cela aux croyants afin de les raffermir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui appelle à Allah aura d'énormes récompenses, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui appelle à une voix aura ses récompenses et les récompenses de tous ceux qui l'auront suivi dans cela. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Ali à Khaybar, il lui a dit, Wallahi, si par ta cause Allah guide ne serait-ce qu'une seule personne, cela vaut mieux pour toi que les chamelles rousses. Et les chamelles rousses étaient alors les plus grandes richesses que possédaient les Arabes. Et ça suffit comme noblesse pour ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala de sa voix, qu'ils ont le même rôle qu'avaient les prophètes et les messagers. Orienter les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam est le premier messager aux gens de la terre. Et Allah nous informe dans le Coran qu'il a appelé son peuple de jour comme de nuit. Pendant 950 ans, il a patienté dans cela. Et pourtant Allah nous dit, et n'ont cru avec lui que très peu de personnes. Beaucoup de savants disent environ une vingtaine. Yusuf alayhi salam a appelé son peuple à l'unicité d'Allah. Et même lorsqu'il a été emprisonné injustement, il a appelé les gens qui étaient en prison avec lui à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire da'wah et d'appeler à son chemin. Et celui qui veut appeler Allah subhanahu wa ta'ala doit avoir des provisions, doit avoir un certain comportement. Et il y a des conditions. La première chose, la sincérité. Tu dois appeler Allah, pas à ta personne, pas à ton groupe, pas à ce que tu penses. Non, tu dois appeler les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adorer seul d'un culte sincère. Tu dois appeler les gens à son adoration et au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas rechercher les éloges des gens. Tu ne dois pas rechercher à être élevé au-dessus des gens. Non, ton seul but, c'est d'être une cause pour sauver les gens de l'enfer et les diriger vers l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quelle belle mission qu'est la mission des prophètes et des messagers. La deuxième chose, la science. Si tu veux appeler à une chose, tu dois la connaître. Sinon, tu vas faire plus de mal que de bien. Tu dois appeler à l'islam avec science. Et la science n'est pas la même chez les différentes personnes. Mais il y a des choses que nous connaissons tous. On doit adorer Allah d'un culte sincère, tu peux appeler à cela. On doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux appeler à cela. À faire la prière, combien sont les gens qui délaissent la prière? On doit appeler à cela. Qui ne sait pas que la prière est obligatoire? Appeler les gens à revenir à la mosquée, à faire leur prière à la mosquée. Qui ne sait pas que cela est obligatoire? On doit appeler les gens à la bienfaisance envers leurs parents, au bon comportement. L'ensemble des gens qui sont assis dans cette mosquée connaissent cela. Donc, appelez les gens à ses nobles caractères. Celui qui parle doit parler avec science ou il doit se taire. Le troisième point, celui qui appelle à Allah doit mettre en pratique ce à quoi il appelle. Et celui qui m'en garde contre une chose doit s'éloigner de cette chose. Sinon les gens ne vont pas accepter ton prêche. Et Allah nous a interdit de dire ce que nous ne faisons pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'une personne sera en enfer. Elle tirera ses boyaux en enfer. Et les gens de l'enfer vont le voir et vont lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous recommandais le bien et tu nous interdisais le mal. Il va dire, oui, je vous recommandais le bien mais je ne le faisais pas moi-même. Je vous interdisais le mal mais je le faisais moi-même. Cela lui a valu d'être en enfer, wal'iyadu billah. Un des points les plus importants, la douceur et la miséricorde envers ceux que tu appelles à revenir vers Allah. Et le fait d'utiliser la dureté, la plupart du temps, ne fait pas partie de la sagesse. Et lorsqu'Allah a envoyé Moussa et Haroun alayhi salam à Pharaon, le pire des égarés, il leur a dit, dites-lui des paroles douces. Parlez-lui avec douceur, peut-être se rappellera-t-il, peut-être me craindra-t-il. Or qu'Allah a su qu'il n'allait pas craindre, il n'allait pas croire, mais c'est pour nous éduquer et nous montrer comment appeler les gens à l'islam. Et Allah dit dans le Coran, et c'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux, et si tu avais été dur au cœur rude, si tu avais été rude au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit utiliser la douceur envers nos frères, envers nos sœurs. C'est Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de parler avec douceur aux mécréants. Que dire de tes frères, toi les musulmans? Fais du'a pour eux. Demande à Allah de les guider, parle-leur avec douceur, parle-leur avec sagesse. Et c'est l'avant-dernier point que nous citons, la sagesse dans la da'wa. Tu dois commencer du plus important à l'important. Et tu dois savoir à qui tu t'adresses afin de lui dire les paroles les plus justes et les plus convenables pour sa personne. Et le dernier point que nous citons, la patience. Celui qui veut entrer dans la da'wa doit s'armer de patience, car la plupart des gens sont égaux. La plupart des gens suivent leur passion. La plupart des gens s'enorgueillissent lorsque tu viens pour leur expliquer la vérité. Tu devras donc patienter, car tu n'appelles pas ta personne, tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne recherches pas l'agrément des gens, tu recherches l'agrément d'Allah. C'est pour ça que tu dis la vérité, qu'elle soit amère ou pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nuh a patienté 950 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté à Mecca 10 ans, alors qu'ils l'ont agressé, alors qu'il priait en face de l'Kaaba. Et il n'est parti de Mecca que 13 ans après le début de la révélation. Et il est revenu 10 ans plus tard, et ceux qui l'ont combattu, ce sont eux-mêmes qui ont cassé les idoles avec leurs propres mains. Pourquoi cela? Car il a patienté sur leur mal, et il a fait de dua pour eux, et il a enduré et subi tout cela en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on finit avec deux exemples qui vont nous montrer la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sagesse et sa patience, et le fait qu'il n'ait jamais désespéré de guider les gens par la permission d'Allah. Il a appelé son oncle Abu Talib à l'islam toute sa vie. Et lorsque Abu Talib était sur son lit de mort, il est venu le visiter, il n'a pas désespéré. Et il lui a dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je pourrais témoigner pour toi auprès d'Allah. Mais il n'est pas mort dans l'islam. Car la guidée ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut et plus et il sait mieux qui mérite la guidée. Le deuxième exemple, il y avait un jeune homme juif qui travaillait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa maladie de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a visité. Et il lui a dit, oh jeune homme, dis la ilaha illallah, rentre dans l'islam. Le jeune homme a regardé son père lui a dit, obéis à Abalqasim, obéis au prophète, obéis à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le jeune homme a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al-Rasul. Ensuite il est mort. Il n'a pas fait une prière. Il n'a pas fait une prière. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui de cela. Et en sortant il a dit, alhamdulillah. Loué soit celui qui a sauvé cet homme du feu par ma cause. Est-ce qu'il y a un meilleur rôle que celui-ci? De faire sortir les gens des ténèbres et de les guider vers la lumière par la permission d'Allah. Donc je me recommande à moi-même ainsi qu'à l'ensemble des musulmans d'être un exemple pour les autres. De par notre science, de par notre mise en pratique, de par notre comportement. Juste avec ton apparence, tu peux appeler les gens à l'islam. Alhamdulillah, nombreux sont ceux qui sont venus dans cette mosquée pour se convertir. Et aujourd'hui encore, il y a une personne qui va venir faire un shahada, hakada. Elle a 72 ans. 72 ans. Et il va venir pour faire le témoignage bihamdillahi azza wa jal. Ne désespère jamais de voir les gens rentrer dans l'islam. Et la semaine dernière, il y a un homme de 78 ans qui s'est converti à l'islam. Et chaque jour, il y a des gens qui rentrent dans l'islam. Malgré tous les chemins qui sont entrepris pour dénigrer l'islam, pour salir l'image de l'islam, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait la promesse qu'il allait parachever cette religion et que cette religion allait rentrer dans l'ensemble des maisons. Walhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim ala mab'uthi rahmatan lil alameen. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله استوت راس هذا بين المناكب والأقدام وسد الخلل تم الصف الأول فالأول ما كان من نفس فليكن في الصف الأخير تراس وصلوا صلاة مودع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده

s'appelait? Je m'appelle Luis Sanchez. Luis Sanchez. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ولا معبود يستحق العبادة سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى التوحيد أما بعد. Comme nous venons d'entendre dans ce discours qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité, l'importance d'appeler les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cet appel est dirigé vers les musulmans afin de leur enseigner leur religion et de les raffermir sur celle-ci, mais cet appel est également dirigé vers les non-musulmans. Car l'islam, c'est une religion de rahmah par laquelle Allah comble ce qu'il a choisi parmi ses serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que tel. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Pas pour un tel ou un tel, non. لِلْعَالَمِينَ, pour les mondes. Et parmi ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien, incha'Allah, il y a ce monsieur que vous voyez à ma droite, qui a 72 ans, c'est bien ça? 73 ans, Allahu Akbar. 73 ans. Et cela nous fait penser au hadith d'Ibn Mas'ud. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa bayna illa zira'. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Et cela nous rappelle un hadith dans lequel le prophète sallam nous dit: et l'homme ne cesse de faire les actions des habitants de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait devancer le livre, son destin le rattrape, il fait les actions des habitants du paradis et il y entre. Et voici à ma droite, comment vous appelez? Luis Sanchez. Luis Sanchez. Et vous êtes de quelle origine? Espagnol. Espagnol. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers sa lumière dans cette mosquée. Dans cette mosquée dans laquelle il y a beaucoup de bien. Même s'il y a beaucoup encore à faire, il y a beaucoup de khayr. Bihamdillahi azza wa jal. On enseigne la connaissance d'Allah subhanahu. On y enseigne la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On y enseigne la connaissance de l'islam. On appelle à Allah tabaraka wa ta'ala bihamdillahi azza wa jal. Et aujourd'hui, Luis, cet homme de 73 ans espagnol, vivant en France, va dire la parole à laquelle nous a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a des siècles. Il y a des siècles. Mais l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a répandue à l'est et à l'ouest. Bihamdillahi azza wa jal. Pour entrer dans l'islam, la personne doit prononcer l'attestation de foi, qui consiste à dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Cette parole signifie: je témoigne, je reconnais que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors d'Allah. Et le seul à mériter entièrement l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme je reconnais que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur. C'est un homme, nous ne l'adorons pas. Nous ne l'adorons pas, mais c'est le messager d'Allah, on ne le dément pas. On certifie l'ensemble de ses dires, on le suit. Et on croit en lui sallallahu alayhi wa sallam. Et on suit sa voie de son vivant et après sa mort. Et Luis, vous étiez avant chrétien, je suppose. Christian. Dans le christianisme. Oui. D'accord. Donc il nous dit qu'il était dans le christianisme. Cette voie qu'on a filée à Isa alayhi salam, وعيسى عليه السلام بريء منها. La voix qu'on a filée à Issa, et Issa se désavoue complètement de cette voix-là. Et lorsqu'il arrivera Yom Al-Qiyama, Allah va lui dire, est-ce toi qui as dit aux gens de t'adorer ainsi que ta mère? Il dira, Subhan. Il va se désavouer de cela. Et Issa n'a dit à son peuple qu'une chose, adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. Et il prétend que Issa, alayhi salam, est le fils de Dieu. Ta'ala Allah. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant. Notre Seigneur est parfait, pur, et il n'a aucun besoin. Il n'est pas comme nous dans le besoin d'avoir un enfant pour s'occuper de nous dans nos vieux jours. Non. لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. Sachez-lui qu'Allah n'a pas d'enfant. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Il n'a pas hérité son royaume et personne n'héritera de son royaume. Et Mariam, c'est la mère de Isa, c'est la mère de Jésus. Une femme pieuse, une femme pure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé. Et donc pour entrer dans l'islam, vous prononcez cette parole. Et vous devez vous désavouer de cette voie dans laquelle vous étiez. Qui prétendait qu'Allah est le troisième de trois. Ou bien que Jésus est Dieu. Non. Jésus, Isa alayhi salam, est le messager de Dieu. C'est le messager de Dieu. Donc vous répétez après moi. Vous dites donc Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu anna muhammadan anna muhammada rasulullah wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa rasuluhu wa rasuluhu وكلمته و كلمته ألقاها إلى مريم وروح وروح منه. الحمد لله الذي وفقه لهذا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. Félicitez votre frère.